Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. Bon, on va commencer le bulletin de sport en parlant de patinage de vitesse sur courte piste. Et il y avait des patineurs du secteur qui étaient en action à Calgary également, à Laval pour la sélection senior. D'abord, à Calgary, chez les filles, Flavie Laroche-Roy, qui est une qui vient de Robertval, mais qui s'entraîne maintenant à Calgary, est montée sur la plus haute marche du podium aux 1500 mètres avant d'être terminée deux fois 17e. Donc, elle a terminé 17e au 1000 mètres et au 1500 mètres. Et pendant ce temps-là, chez les seniors, ben, à noter que ça se déroulait à Laval. Dans les résultats qu'on a, on a Léonie Bradette 20e au 1500 mètres, 17e au 500 mètres et 7e au 1000 mètres, 12e au cumulatif. On a également que Catherine Maillot de Saint-Félicien a terminé 28e au 15e, 12e au 500 mètres et 25e au 1000 mètres, 22e au cumulatif. Et Karina Momigny, qui est natif de Péribonca, a terminé 26e au 500 mètres et ainsi qu'au 1000 mètres. Elle a été disqualifiée. Et au 1500 mètres, elle a terminé en 32e position au classement final. Donc, on devrait parler avec David Simard dans la section entrevue de danradiosport.com pour en avoir davantage le carnet sur ce qui s'est passé en fin de semaine. Grosse victoire des Hurricanes de Mascouillache en fin de semaine contre les Marquis de Jonquière dans la Ligue Bantam régionale. En entrevue ce matin sur les ondes de danradiosport.com, l'instructeur-chef Hugo Maltais a mentionné évidemment que c'était, il a reconnu que c'était quand même une très grosse victoire samedi à Jonquière. C'était un match là, qu'on voulait gagner parce qu'on n'a pas le choix, là, étant donné qu'on n'a pas l'avantage de la classe dans cette série-là contre Jonquière. Donc, il fallait en gagner une. Mercredi passé, on avait passé près de gagner, mais on avait perdu 4-3. Donc, de pas aller jouer, ben, du coup, d'espérer de pas aller jouer, là, un cinquième match à Jonquière, là, puis, de pouvoir espérer finir ça aujourd'hui à Mascouillache. C'était un gros match, dimanche, puis, ça a été très, très, très, très, très âprement. Tu sais, là, c'était encore 2-2 en milieu de troisième quand on a réussi à compter en avantage numérique, puis finir la partie, là, dans un filet désert pour 4-2. Donc, une grosse victoire, ça nous donne quand même une marge de manœuvre. Donc, on a deux matchs pour finir la série, mais c'est clair que notre objectif, là, c'est de finir ça ce soir là, à Mascouillache pour après ça, là, ben, espérer. On a aussi parlé à Gilles Bouchard des Huskies de Rouyn-Noranda, qui est natif de Normandin. Gilles Bouchard qui reconnaît que la série entre le Phoenix de Sherbrooke et ses Huskies sera une série très serrée et très longue. Écoute, c'est embêtant, mais c'est sûr que ça va être une bonne série, puis c'est deux bonnes équipes, puis comme tu as mentionné au début, là, Sherbrooke, qui ont été une des meilleures équipes de la Ligue après Noël, fait que c'est une équipe qui a beaucoup d'habileté offensive, beaucoup de vitesse, fait que c'est une équipe qui est redoutable tout le temps, non? Dans un deuxième temps, Gilles Bouchard n'a pas d'objectif, parce que les deux prochains matchs seront joués à Sherbrooke. Il n'a pas d'objectif de remporter une victoire. Il va y aller match par match avec ses Huskies. Nous autres, on ne change pas de philosophie. C'est vraiment d'y aller un match à la fois. Puis c'est une série. Ça peut être long. C'est des détails qui font la différence. Fait qu'il faut se concentrer. Faut continuer à se concentrer sur nous autres, notre façon de jouer. Puis on n'a pas eu un grand match lors de notre première rencontre à Rouyn. Puis sauf qu'on est revenu fort samedi avec un bon match. Là. On a reconnu vrai Husky. Fait que c'est vraiment de la façon qu'il faut se comporter. Il y a tous les matchs qu'on va jouer. De la finition. On a parlé de Gilles Bouchard, qui est natif de Normandin. Et on a aussi parlé avec le skieur. Sport local et régional. Adam, sport local et régional. Adam, sport.com, la référence du sport. On s'en occupe.